France Musique. Merci Priscille Lafitte, à dimanche prochain sur France Musique. The next stop is 42nd Street. Quand vous êtes dans la musique et la chanson, le sentiment est immédiat et le sens vient derrière. Come here, venez. Ça va plus vite, plus fort. Laurent Vallière, 42e rue. Bonjour à tous. Ils n'ont finalement travaillé que 6 ans pour Walt Disney. Et pourtant, ils ont marqué au fer blanc le studio en les plongeant pour de bon dans l'univers de Broadway. Walt Disney les appelait les Boys. C'est avec eux qu'il a conçu le film Mary Poppins. Et ce sont eux qui, en regardant à la télévision Julie Andrews dans une prestation de sa comédie musicale Camelot, ont suggéré son nom pour le rôle de la nourrice. Richard Sherman était le cadet des frères Sherman. Il a disparu en mai dernier à l'âge de 95 ans, 11 ans après son frère Robert qui était son exact opposé. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Dick Sherman et des frères Sherman avec aussi vers 13h une étoile de la comédie musicale, notre nouvelle rubrique. Aujourd'hui, Cabaret, le film de Bob Fosse avec Liza Minnelli. It's supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Because I was afraid to speak when I was just a lad. My father gave me nails a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word to save me aching nose. The biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Use his word and all would say, there goes a clever gent. When Dukes and Martha Rogers pass a time of day with me, I say me special word and leave me off me out to tea. Supercalifragilisticexpialidocious. Even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Docious alley expiastic fragicali rufus, but that's going a bit too far, don't you think? Indubitably. So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it could change your life. For example? Yes? One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, and a lovely thing she is too. She's supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. It happened on the beach at Ballybally. I found him dreaming on the golden sand. It happened on the beach at Ballybally. It wasn't long till we were holding hands. While we strolled along the beach together, we kissed and then he promised to be mine. You could have knocked me over with a feather when he told me that he came from Caroline. The day I sailed across the ocean to find romance across the sea, I never had the slightest notion I'd meet the boy who used to live next door to me. Now we own a cottage in the valley, a little something that is his and mine. It happened on the beach at Ballybally and ended up way down in Caroline. Thank you. the boy who used to live next door to me. Now we own a cottage in the valley, a little something that is his and mine. It happened on the beach of Bally Bally and ended up way down in Caroline. On commence par retracer la généalogie des frères Sherman, les auteurs de ce titre tombé dans la mémoire collective, Supercalifragilisticexpialidocious, et un sens de la mélodie qu'on retrouve chez leur père, Al Sherman. C'est lui, l'auteur-compositeur à succès des années 30, qui a composé ce titre qu'on entendait interprété par les Boswell Sisters, On the Beach at Bally Bally. La famille de Richard et Robert Sherman, les Sherman Brothers, trouve ses origines en Russie. Leur grand-père Samuel est musicien. À cause des pogroms, il quitte le pays avec sa femme en 1903, direction Prague, où il devient concertmaster et premier violon à la cour de l'empereur François-Joseph. Leur fils, Al, suit son père partout en coulisses et absorbe ce goût pour la musique. Et puis ensuite, direction New York en 1909. Le grand-père Samuel lâche la musique, mais Al s'accroche et décroche donc son premier tube en 1921 qui s'intitule « Good as Gold ». Ces chansons seront interprétées par les Boswell Sisters, mais aussi par exemple par Bing Crosby. Et à l'époque, eh bien, il devient aussi ami de George Gershwin. C'est Al Sherman d'ailleurs qui suggère à George Gershwin de s'associer avec son frère Ira pour écrire des chansons. Et il fera de même avec ses propres fils, Robert et Richard. En fait, il leur propose une sorte de pari. Est-ce que vous êtes capable d'écrire ensemble un titre ? Ça marche. Avec des conseils inculqués par Al Sherman, une chanson doit être simple, facilement chantable, sincère et puis surtout originale. Alors, ils vont en écrire une trentaine de titres avant de décrocher leur premier tube. On est en 1952, ça part d'une idée toute simple. L'or peut tout acheter sauf l'amour. Gold can buy anything. Gene Autry. Love, love, love. You can't buy love. Gold can buy most anything. Anything but love. True love, gold can buy anything but love. I'm rich and I live in a mansion. I sleep in a soft feather bed. But I know if I died tomorrow, nobody would care if I'm dead. Love, love, love. You can't buy love. Gold can buy most anything. Anything but love. True love gold can buy anything but love. The dream of my heart she refused me. She treated me loveless and cold. The last words she said when she left me were, you'll never win me with gold. Love, love, love, you can't buy love. Gold can buy most anything, anything but love. True love, gold can buy anything but love. Believe me, I know what I'm saying. There's no greater riches than love. And no man can buy true affection, because that's a gift from above. Love, love, love, you can't buy love. Gold can buy most anything, anything but love. True love, gold can buy anything but love. magnolia trees at night, sparkling bright. Fields of cotton love, wintry white, when it's Christmas time in New Orleans. A barefoot choir and prayer fills the air. Mississippi folks gathering there, 'cause it's Christmas time in New Orleans. See a Dixieland Santa Claus leading the band to a good old Creole beak. Golly, what a spirit! You can only hear it down on Basin Street. Your cares will disappear when you hear, "Hallelujah, Saint Nicholas is here." When it's Christmas time in New Orleans. Will disappear, and when you hear "Hallelujah, old Santa is near," when it's Christmas time in New Orleans. Yes, when it's Christmas time, it's Christmas time in New Orleans. Au début des années 50, les Sherman Brothers font pourtant chemin à part et galèrent un petit peu, faut bien le dire. Dick Sherman connaît un rare succès avec ce titre enregistré en 1955 par Louis Armstrong and the All-Stars, Christmas in New Orleans. De son côté, Robert Sherman, plus terre-à-terre, s'est associé avec un autre auteur-compositeur, Bob Roberts, et compose plutôt dans l'esprit rock. Les deux personnalités des deux frères sont opposées. Robert a fait la Seconde Guerre mondiale, ça l'a meurtri, il est plus terre-à-terre que Dick. Il a créé son propre label de disques. Des titres qu'il compose sont interprétés notamment par Dinah Shore. De son côté, Dick Sherman galère un peu plus. Et puis, arrive en 1960, le Messie Walt Disney. Alors, pas tout de suite en personne quand même. Ça arrive, raconte Dick Sherman, par hasard. Il roulait en voiture à Los Angeles et il est frappé par une publicité pour un magasin de mode pour femmes de grande taille, The Tall Girls Shop. À l'époque, c'est vrai que les tubes à la radio, c'est surtout des hommes qui chantent le type de femme qu'ils apprécient. Alors lui, il imagine une chanson qui prend l'idée à rebours. Une chanson vue du point de vue d'une femme qui explique qu'elle aime les hommes de grande taille. Il trouve le titre « Tall Paul » et il se rue pour aller voir son frère en lui demandant de s'associer pour écrire ce morceau. Son frère était en train d'écrire une chanson rock avec Bob Roberts. Les deux idées se mêlent et c'est ainsi que naît la chanson « Tall Paul ». Il se trouve qu'à l'époque, le studio Disney cherchait une chanson à faire interpréter par une des vedettes du Club Mickey à la télévision. Annette Funicello va enregistrer ce titre et ça deviendra un tube. Le 45 tours se vend à 700 000 exemplaires. Ils composeront en tout 36 chansons pour cette vedette, dont celle-ci, Strumming Song. Hum, hum, hum, hum, strumming song. Oh, oh, oh. Strumming song. It doesn't matter where you are when guitars are strumming. From Bombay to Zanzibar, everyone starts humming. From Marseille to Istanbul, Iowa to Dover, song. Oh, oh, oh, oh, oh, hum, one that we can hum along. Oh, oh, oh, oh, let's relax, lying on our backs and hum, hum, hum, hum a strumming song. Oh, oh, oh, hum, hum, hum, hum a strumming song. Sometimes at the end of day, when you're feeling blue and you miss your home sweet home, here's the thing to do. Hum a little strumming song that is bright and gay, and your cares before too long will fly, fly away. So ho, hum, let's sing a strumming song. Ho, ho, hum, let's sing a strumming song. Et c'est maintenant que se fait la rencontre avec Walt Disney. France Musique, 42e rue. Laurent Vallière. Bon, la première rencontre est un peu folklorique. Il se trouve que Walt Disney veut capitaliser donc sur cette vedette, Annette Funicello, qui est actuellement une vedette de la télé et dont il veut faire une star du cinéma. Il leur propose donc, eh bien, qu'il compose tout naturellement pour elle une chanson pour un film qu'il imagine pour elle. C'est donc en juillet 1960 que les Sherman Brothers reçoivent vraiment comme le Messie un coup de fil du studio. On leur explique le contexte de la chanson dans le film. Ils ont un week-end pour ne pas passer à côté de cette chance de leur vie. Ils composent trois titres de tempo différents. La première, The Strumming Song, qu'on vient d'entendre, est la bonne et leur ouvre donc les portes du bureau de Walt Disney qui valide en personne la chanson. C'est ainsi qu'ils vont se retrouver, sur commande de Walt Disney, à écrire d'autres chansons pour des épisodes de Zorro ou un autre film, jusqu'à ce que, lors d'une autre rencontre avec Walt Disney, eh bien, le patron du studio leur pose la question. Savez-vous ce que c'est qu'une nourrice ? Non, parce que j'ai ce livre, Mary Poppins, que j'aimerais adapter au cinéma. Écoutez, lisez-le et dites-moi ce que vous en pensez. Et cette fois, eh bien, les frères Sherman vont carrément participer à l'élaboration du scénario de Mary Poppins. Une des premières maquettes de chansons qu'ils enregistrent pose le décor, l'Angleterre au début du XXe siècle. The Perfect Nanny, as sung by Jane and Michael. If you want this choice position, you must have a cheerful disposition. Rosy cheeks. No warts. Play games. All sorts. You must be kind. You must be witty. Very sweet and very pretty. Teach us tricks. Give us treats. Sing songs. Bring sweets. Never be cross or cruel. Never feed us castor oil or gruel. Love us as a son and daughter. And never, never smell of barley water. If you won't scold and dominate us, we will never give you cause to hate us. We won't hide your spectacles so you can't see. Put frogs in your bed. Or pepper in your tea. Hurry, Nanny, many thanks. Sincerely, Jane and Michael Banks. Les voix de Dick Sherman et Robert Sherman. Une des premières maquettes pour Mary Poppins. Alors avant de se mettre à composer ces maquettes, ils étudient le livre, comme leur a demandé Walt Disney. Ils le trouvent compliqué car il n'y a pas vraiment d'histoire. Tout juste surligne-t-il six chapitres qui peuvent, à leur sens, en les assemblant, faire affaire. Ce ne sera pas la plus grande histoire incroyable, mais ça tient la route, disent-ils à Walt Disney. Il se trouve que Walt Disney a lui-même surligné ces six mêmes chapitres. Alors c'est parti. Parmi les morceaux les plus célèbres de Mary Poppins, il y a évidemment ce supercalifragilisticexpialidocious. En fait, il se trouve que les frères Sherman avaient l'habitude d'inventer des mots dans des chansons. Plus tard, dans Merlin l'Enchanteur, ils composeront Igitus Figitus. J'ai rencontré les fils de Bob et de Dick Sherman. Ils m'ont raconté la genèse de cette chanson. Well, what they tell us is that when they were in summer camp, they used to play these games, who could make up the longest word, like anti-disestablishmentarianism. Quand ils étaient en colonie de vacances, nos parents jouaient à celui qui trouverait le mot le plus long, par exemple, anti-constitutionnellement. Ils se mettaient à deux, devaient trouver un mot et s'en rappeler. Lorsqu'ils travaillaient sur l'histoire de Mary Poppins, les gens ne le savent pas, mais ils ont contribué à l'écriture du scénario, en plus de la musique du film. Ils avaient besoin que les enfants rapportent quelque chose de leur jolie promenade, Jolly Holiday, dans la partie du film qui est en dessin animé, pour ramener le père dans l'histoire. Mais c'était impossible pour eux de ramener un papillon en dessin animé ou un des chevaux de manège qui se baladait sur le champ de course. Alors Bob et Richard se sont dit « Ah, on pourrait ramener un mot spécial !» Et ce mot spécial est devenu « supercalifragilisticexpialidocious ». Ils savaient qu'ils écrivaient dans le style des comédies musicales. Livre de Mary Poppins déroulait dans le Londres des années 30 en pleine dépression. Ils ont préféré situer l'histoire dans un moment plus joyeux, au début du siècle, à Londres, avec un style musical des cabarets de l'époque. Donc, ils ont décidé que cette chanson, eh bien, ils l'utiliseraient avec une musique qui rappellerait ces groupes, les Pearly Band, qui avaient un style particulier. À partir de leurs paroles et du style de musique, ils ont donné un rythme syncopé aux mots qu'ils avaient écrits. C'est comme ça que les paroles et la musique ont été assemblées. Mais la chose la plus importante, c'était bien sûr l'idée de départ, et c'est ce que leur avait appris leur père Al Sherman. Alors les voici au piano, Dick et Robert Sherman, en train de chanter la toute première maquette de cette chanson. The Pearly Song. Hum diddle diddle diddle hum diddle lay, hum diddle diddle diddle hum diddle lay, because I was afraid to speak when I was just a lad. Me father gave me nose a tweak and told me I was bad. But then one day I learned a word that saved me aching nose, the biggest word you ever heard, and this is how it goes. Oh, supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Hum diddle diddle diddle hum diddle lay, hum diddle diddle. I traveled all around the world, and everywhere I went, I used me word, and folks would say, there goes a clever gent. When dukes and maharajas passed the time of day with me, I used me special word, and then they asked me into tea. Oh, supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Hum diddle diddle diddle hum diddle lay, hum diddle diddle diddle hum diddle lay. So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just keep in mind this word of mine, and you'll have lots to say. But better use it carefully, or it could change your life. One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. Oh, supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious, if you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. En 2015, la chaîne PBS, la chaîne publique américaine, a diffusé un magnifique portrait de Richard Sherman et il interprétait au piano quelques airs fameux qu'il a composés avec son frère pour Mary Poppins. Mary Poppins was our great, great opportunity. It gave us a chance to show off our talents in writing story, telling story with our songs. And Mary Poppins a été notre grande chance et nous a donné l'occasion de montrer notre talent pour écrire des histoires, raconter des histoires en chansons. Et bien sûr, de façon incroyable, le film a remporté 2 Oscars pour la meilleure partition et la meilleure chanson, Chim Chim Cherry. C'était l'opportunité de notre vie. On avait un casting de rêve, Julie Andrews, Dick Van Dyke, au sommet de leur forme. Et Walt Disney nous a donné cette chance incroyable. There is an element of fun. You find the fun and snap the jobs again. And every task you undertake becomes a piece of cake, a lark, a spree. It's very clear to see that a spoonful of sugar helps the medicine go down. The medicine go down, medicine go down. Just a spoonful of sugar helps the medicine go down in the most delightful way. Oh, it's a jolly holiday with Mary. Mary makes your heart so light. When the day is gray and ordinary, Mary makes the sun shine bright. Oh, happiness is blooming all around her. The daffodils are smiling at the dove. When Mary holds your hand, you feel so grand. Your heart starts beating like a big brass band. Kick your knees up, step in time. Kick your knees up, step in time. You never need a reason, never need a rhyme. Kick your knees up, step in time. Round the chimney, step in time. Round the chimney, step in time. You never need a reason, never need a rhyme. When you step in time, you step in time. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree. A sweep is as lucky can be. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheroo. Good luck will rub off when I shake hands with you. Or blow me a kiss, and that's lucky too. Now as the ladder of life has been strung, you may think a sweep's on the bottommost rung. Though I spends me time in the ashes and smoke, in this whole wide world there's no happier bloke. Up where the smoke is all billowed and curled, between pavement and stars, that's the chimney sweep's world. When there's hardly no day and hardly no night, there's things half in shadows and halfway in light. On the rooftops of London, coo, what a sight. Chim chimney, chim chimney, chim chim cheree. When you're with a sweep, you're in glad company. Nowhere is there a more happier crew than them what sings chim chim cheree chim cheroo. Chim chimney, chim chim cheree chim cha. Rum diddle diddle diddle lum diddle lie, um diddle diddle diddle lum. Because I was afraid to speak when I was just a lad, me father gave me nose a tweak and told me I was bad. But then one day I learned the word, save me aching nose, the biggest word you ever heard, and this is how it goes. It's supercalifragilisticexpialidocious, even though the sound of it is something quite atrocious. If you say it loud enough, you'll always sound precocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Um diddle diddle diddle um diddle I, um diddle diddle diddle um. So when the cat has got your tongue, there's no need for dismay. Just summon up this word and then you've got a lot to say. But better use it carefully or it can change your life. One night I said it to me girl, and now me girl's me wife. She's supercalifragilisticexpialidocious. Supercalifragilisticexpialidocious. Docious-ali-expiistic-fragicali-rupus. That's backwards. Supercalifragilisticexpialidocious. Dick Sherman, c'était vraiment le plus showman des deux frères, Robert et Richard Sherman. Il y a aussi des chansons de Mary Poppins qui finalement seront écartées et que les frères Sherman recycleront dans d'autres dessins animés de Walt Disney, comme ces terres du serpent Python dans le livre de la jungle, vous savez, le personnage le plus angoissant qui hypnotise ses proies. Après le succès de Mary Poppins, Walt Disney fait encore appel à eux pour sauver ce projet de dessin animé qui ne lui plaît pas. Les chansons composées par l'équipe sont trop sombres à son goût. Il veut plus de joie, plus d'humour. Et ça tombe bien, c'est la question qu'il leur pose. Les frères Sherman n'avaient jamais lu le livre de Rudyard Kipling. Alors ils vont reprendre pour le serpent cette chanson qu'ils avaient composée pour Mary Poppins dans une séquence supprimée qui devait se dérouler dans le désert. La voici, la chanson originale. Son titre, c'était The Land of Sand, interprété en maquette par les auteurs. Trust in me, just in me. Shut your eyes and trust in me. Hold still, please. You can sleep safe and sound, knowing I am around. Slip into silent slumber, sail on a silver mist. Slowly and surely your senses will cease to resist. Trust in me, just in me. Now I'm the king of the swingers, oh, the jungle VIP. I've reached the top and had to stop, and that's what's bothering me. I wanna be a man, man cub, and stroll right into town and be just like the other men. I'm tired of walking around, oh, ooby-doo. I wanna be like you. I wanna walk like you, talk like you, choo. You see it's true. An ape like me can learn to be human too. Try to kid me, man cub. I made a deal with you. What I desire is man's red fire to make my dream come true. Now give me the secret, man cub. Come on, clue me what to do. Give me the power of man's red flower so I can be like you. Comment rendre joyeux l'enlèvement d'un enfant par un singe dans le livre de la jungle? Eh bien, les frères Sharman avaient eu cette idée géniale d'inventer Baloo et de demander à Louise Prima de lui prêter sa voix. I wanna be like you. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. On raconte aujourd'hui l'histoire des frères Sharman. Alors, les frères Sharman étaient très occupés par Mary Poppins, mais à cette époque, au même moment, Walt Disney fait encore appel à eux pour deux projets qui ont à voir avec son nouveau parc d'attractions Disneyland. En fait, il y a une exposition universelle qui doit se dérouler à New York en 1964. Disney y voit l'opportunité en or pour faire de la pub à côté de marques de soda ou de voitures. 140 pavillons réunis dans le parc de Flushing Meadows. Et un thème, la paix à travers la reconnaissance mutuelle. Alors Walt Disney imagine une attraction notamment pour le pavillon de l'UNICEF qui unisse tous les enfants du monde. Une sorte de croisière en barque. Marie Blair, la dessinatrice de Alice au Pays des Merveilles, dessine le projet. Et puis au départ, Walt Disney imagine comme bande-son un mélange de 25 hymnes nationaux du monde entier. Mais il juge finalement le résultat trop cacophonique. Alors il va donner seulement quelques jours à Dick Robert Sherman pour composer quelque chose. Il leur explique « Je souhaite une mélodie en boucle ». Quelque chose qui se focalise sur l'unité, la compréhension mutuelle. Rappelez-vous, ça doit parler des enfants du monde et de l'espoir en l'avenir. Et c'est ainsi que Richard et Robert Sherman composent en quelques heures « It's a small world » qu'ils conçoivent, disent-ils, comme une prière et qu'ils préfèrent jouer à tempo lent comme sous les doigts de Lang Lang. Le problème, c'est que Walt Disney disparaît jeune et de façon brutale en novembre 1966. Ses Boys composent à sa demande un autre titre pour un film Disney, Le plus heureux des millionnaires. Mais une fois le patriarche disparu, ils sont moins en odeur de sainteté. Alors ils reviendront parfois prêter main forte. Par exemple pour Les Aristochats, en convoquant Maurice Chevalier, pour Merlin l'Enchanteur et puis aussi pour L'apprenti sorcière. Et là, ils garderont un goût amer de cette expérience imaginée sur le style de Mary Poppins, avec un mélange de prises de vue réelles et de dessins animés, dont nombre de chansons qu'ils avaient composées seront supprimées du montage afin de ramener le film de 2h30 à 2h. L'une des chansons interprétées par l'héroïne incarnée par Angela Lansbury, L'apprenti sorcière, fait carrément référence à Walt Disney et à l'époque glorieuse où il les prenait, lui, les frères Sherman, sous son aile. The Age of Not Believing. Oh. when you rush around in hopeless circles, searching everywhere for something true. You're at the age of not believing when all the make-believe is through. When you set aside your childhood heroes and your dreams are lost upon a shelf, you're at the age of not believing, and worst of all, you doubt yourself. You're a castaway where no one hears you, on a barren isle in a lonely sea. Where did all the happy endings go? Where can all the good times be? You must face the age of not believing, doubting everything you ever knew, until at last you start believing there's something wonderful in you. Worst of all, you doubt yourself. You're a castaway where no one hears you, on a barren isle in a lonely sea. Where did all the happy endings go? Where can all the good times be? You must face the age of not believing, doubting everything ever knew, until at last you start believing there's something wonderful in you. Goodbye to cares of the day. Tutti Camarata, Hush by Mountain. Une autre douce mélodie composée par les frères Sherman. Ça, c'est pour un film inspiré d'un livre pour enfants de Ian Fleming, le créateur de James Bond, Chitty Chitty Bang Bang. C'était une infidélité validée de son vivant par Walt Disney pour cette histoire qui rappelait un peu les aventures de la coccinelle, produit par le producteur des films de James Bond, Albert Broccoli. À partir de là, la vie sera moins simple pour le duo d'auteurs, compositeurs Richard et Robert Sherman. Ils vont surtout prendre plaisir à écrire des scénarios et chansons pour des films. Par exemple, Cendrillon, revisité cette fois vu du point de vue du prince, incarné par Richard Chamberlain. Ça sera, selon leur dire, leur expérience la plus gracieuse et la plus passionnante. Et puis auparavant, Tom Sawyer, avec encore un style musical différent. En 1970, pour la première fois, ils sont officiellement partie prenante de l'écriture du film, et leur première chanson est Country à bon escient. Warm in the summer sun. River runs cold when the summer's done. But a boy's just a dreamer by the riverside. Cause the water's too fast and the water's too wide. Then the world turns around and the boy grows tall. He hears the song of the river call. The river song sings, travel on, travel on. You blink away a tear and the boy is gone. Oh, river. Blew his rat-a-tat-too, telling everybody do your duty. We didn't know how to type and we didn't know how to sew, so we trucked it on down to the USO. But everywhere they sent us, we always missed the boat. We never got a chance to sing the boys a single note. Bombed out, rained out, matter of fact, there's a rumor that we even caused a counterattack. One day we got a communique, report at once to the USA. So we packed and flew through the bullets and flak. Gee, but it's great to be back. Now we'll be singing for the fellas in the PX car, lifting them around by singing eight to the bar. Trucking and a Susie Q and all of the time, gonna keep humming on the victory line. Giving our all for the guys. You could say we're khaki wacky for the GIs. Cause over here, toot doodly toot, we'll do the thing that we started to do. Cause over here, toot doodly toot, we're gonna sing for the red, white, and blue. While the sergeant does the training and do the entertaining, over here, toot toot, toodly toot, together, working on a team together, getting up the steam together, giving our all on the beam and right on the ball. Cause over here, toot toodly toot, we'll do the thing that we started to do. Cause over here, toot toodly toot, we're gonna sing for the red, white, and blue. While the choo-choo keeps a moving, we're gonna keep a grooving. Cause over here, toot toot, toodly toot, together, we're working on a team together, getting up the steam together, giving our all. Pause, you're right on the ball. We're gonna look alive and jam and jive. Over here! Oh yeah, yeah, yeah. We're gonna spread some joy for every boy. Over here! Oh yeah, yeah, yeah. And while the sergeant does the training, we'll do the entertaining. C'est la virtuosité des frères Robert et Dick Sherman, leur capacité d'écrire dans des styles différents qui avaient plu à Walt Disney. Ils vont quitter le studio en 1970 et c'est aussi le moment où ils réalisent un autre rêve, composé pour la scène et pourquoi pas Broadway. En 1971, ils s'étaient essayés au genre avec Victory Cantine, qui racontait les troupes américaines envoyées faire la guerre en Europe. Le spectacle, créé à Los Angeles, mettra 4 ans pour arriver à être monté à Broadway sous une forme complètement remaniée. On vient d'entendre les Andrew Sisters qui faisaient partie de cette comédie musicale à la sonorité très big band. Un hommage aux troupes américaines qui s'est joué durant près d'un an au Schubert Theater. Auparavant, ils avaient aussi écrit Levi sur les immigrés aux États-Unis, Dogs, l'équivalent de Cats, mais cette fois une comédie musicale autour des chiens. Une comédie musicale mornée. Et puis, il y a également Busker Halley, une comédie musicale avec Tommy Tune, annulée une semaine seulement avant le début des représentations à Broadway, lorsque l'acteur principal est victime d'un accident. Bref, ils jouent de malchance sur scène, mais en 2002, écrivent quand même 6 nouvelles chansons pour l'adaptation sur scène de Chitty Chitty Bang Bang, qui tiendra l'affiche durant 5 ans au prestigieux Palladium. Et puis Richard écrit sa dernière mélodie il y a seulement quelques mois. Ça, c'était pour un court-métrage d'un grand animateur de Walt Disney, Andreas Deja. Vous reconnaîtrez la patte très sensible de Richard Sherman, une berceuse intitulée Mushka's Lullaby. My little one, I'm by your side. Dick Sherman a disparu en mai dernier, à l'âge de 95 ans. Il disait « Nous n'écrivons pas, sauf pour des personnages. On écrit de la façon dont ils sonnent, ils réfléchissent, la façon dont ils parlent. » Et Walt Disney, c'était vraiment les 9 ou 10 années les plus merveilleuses de ma vie. Ça a fait ma carrière. Sur la page de 42e rue, sur le site de France Musique et sur l'appli Radio France, vous retrouverez la programmation musicale de l'émission et puis également un choix de vidéos de leurs chansons. C'est l'heure de notre nouveau rendez-vous sur France Musique, sur la 42e rue. Les étoiles de la comédie musicale. Laurent Vallière. Une comédie musicale qui reçoit 8 Oscars. C'est l'étoile de la semaine, Cabaret, le film de Bob Fosse, auréolé d'un Oscar du meilleur réalisateur, de la meilleure actrice, Liza Minnelli, et du meilleur second rôle masculin, Joël Grey. Cabaret, c'est l'adaptation d'une comédie musicale créée 4 ans plus tôt à Broadway, avec un succès retentissant. Une comédie musicale aride, cynique, amère, symbole de ces années où le genre à Broadway devient plus adulte, à la façon d'un West Side Story. D'ailleurs, les deux œuvres ont le même producteur, Harold Prince, qui prend le genre très au sérieux. Il imagine d'adapter sur scène, en musique, cette nouvelle de Christopher Isherwood, I Am a Camera, le portrait d'un Américain arrivé à Berlin entre les deux guerres et qui voit l'idéologie nazie peu à peu gangréner toute la ville. Le Kit Kat Club, le lieu de déperdition de la population où la ville vient s'amuser, sera le centre et l'expression de cette invasion de l'idéologie. On est en pleine République de Weimar et l'épicentre de l'histoire est le maître de cérémonie de ce lieu, le MC. Les compositeurs sont John Kender et Fred Ebb qui composent des dizaines de morceaux. Et pour l'adaptation au cinéma, Bob Fosse va faire un choix radical. Les chansons ne seront chantées que sur une scène. Il évacue donc le risque permanent dans un film du ridicule qui apparaît lorsqu'un comédien se met à chanter. Il nous plonge dans les années 30 et il conserve en tout cas le début, le maître de cérémonie qui nous accueille au Kit Kat Club, et il conserve aussi son comédien, ce qui est vraiment rare à Hollywood, Joël Grey, 40 ans, qui vient de jouer durant 3 ans à Broadway ce rôle et qui déclare « J'ai traversé ce personnage de part en part ». J'ai assimilé son rythme de vie. Je sais le pire dont il est capable, son degré d'immoralité. Il n'est que le symbole de la décadence et de la déchéance dans le Berlin du début des années 30. Pilka.

farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mine hair. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You've every cause to doubt me, mine hair. The continent of Europe is so wide, mine hair. Not only up and down, but side to side, mine hair. I couldn't ever cross it if I'd tried, mine hair. But I do what I can, inch by inch, step by step, mile by mile, man by man. By, by. Mein liebe Herr, farewell, my liebe Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me, mein Herr. Don't dab your eye, mine hair, or wonder why, mine hair. I've always said that I was a rover. You mustn't knit your brow, you should have known by now. You'd every cause to doubt me, mine hair. Bye-bye, mine liebe hair, auf Wiedersehen, mine hair. Es war sehr gut, mine hair, und vorbei. Du kennst mich wohl, mine hair, ach, lebe wohl, mine hair. Du sollst mich nie mehr sehen, mine hair. Bye-bye, mine liebe hair. By my lieber Herr, farewell, my lieber Herr. It was a fine affair, but now it's over. And though I used to care, I need the open air. You're better off without me. You're better off without me. Wiedersehen, es war sehr gut. Mein Herr, pour l'adaptation au cinéma de Cabaret, Bob Fosse change un peu l'histoire. C'en est fini, par exemple, de l'émouvante histoire d'amour impossible entre un marchand de fruits, juif, âgé, et la logeuse allemande. Elle renonce au mariage en raison de l'environnement nazi. Bob Fosse va se recentrer aussi sur le personnage de Sally Bowles, une des chanteuses du Kit Kat Club, et sa relation avec le nouveau venu à Berlin qui fréquente le cabaret. Ils formeront même un couple à trois, ambivalent, avec un autre spectateur du cabaret, un riche Allemand nazi. Pour ce rôle de Sally Bowles, Bob Fosse choisit surtout la fille de Judy Garland et Vincente Minnelli, Liza Minnelli. Alors, elle avait passé l'audition en 1966 pour Broadway, mais les producteurs à l'époque la jugeaient trop inexpérimentée. C'est après sa nomination aux Oscars dans un film d'Alan Pakula qu'elle est choisie pour le film. C'est son père, Vincente Minnelli, qui va lui suggérer le look à la Louise Brooks. Bob Fosse va accentuer le rôle de Sally Bowles en lui donnant deux nouvelles chansons à interpréter sur la scène du Kit Kat Club. Il y a ce Mein Herr qu'on vient d'entendre, que Liza Minnelli interprète dans la pénombre, assise sur une chaise noire en barésille et chapeau melon sur la tête, le style Bob Fosse. Et puis, il lui donne aussi une chanson qu'elle avait enregistrée dans l'un de ses premiers albums. Créée d'ailleurs, une chanson par les auteurs de Cabaret, John Kander et Fred Ebb, Maybe This Time. Cette chanson sera désormais intégrée à toutes les reprises sur scène de Cabaret. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. He will hold me fast home at last. Not a loser anymore, like the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady Peaceful, Lady Happy, that's what I long to be. Well, partners daily to play as we please. Twosy beats onesy, but nothing beats threes. I sleep in the middle, I'm left and I'm right, but there's room on the bottom if you drop in the night. like it. This two for fun. Joël Grey, le maître de cérémonie de cabaret, est bien entouré de deux jeunes filles sur la scène du Kit Kat Club dans le film de Bob Fosse. Un numéro de cabaret mis en scène de façon drôle et salace. Et puis, Bob Fosse conserve aussi un air original du spectacle de Broadway que beaucoup de spectateurs croiront vraiment composé dans l'Allemagne nazie. Un air qui illustre le parfum délétère de la période. Il est interprété dans le film dans une sympathique auberge de campagne par un jeune garçon à l'air angélique. Un air bucolique que tous les convives vont reprendre peu à peu en le transformant graduellement en hymne politique. C'est la peste nazie qui monte à l'air libre. Le compositeur juif John Kender de Cabaret sera traité parfois d'antisémite par des spectateurs pour avoir composé ce morceau. The sun on the meadow is summer even. The stag in the forest runs free. But gather together to greet the storm. Tomorrow belongs to me. The branch of the linden is leafy and green. The Rhine gives its gout to the sea. But somewhere a glory awaits unseen. Tomorrow belongs to me. The babe in his cradle is closing his eyes. Taste the wine, come hear the band, come blow your horn, start celebrating. celebrating right this way. Your table's waiting. What good's permitting some prophet of doom to wipe every smile away? Life is a cabaret, old chum. So come to the cabaret. I used to have this girlfriend known as Elsie, with whom I shared four sordid rooms in Chelsea. She wasn't what you'd call a blushing flower. As a matter of fact, she rented by the hour. The day she died, the neighbors came to snicker. Well, that's what comes from too much pills and liquor. But when I saw her laid out like a queen, she was the happiest corpse I'd ever seen. I think of Elsie to this very day. I remember how she turned to me and said, what good is sitting all alone in your room? Come, hear the music play. Life is a cabaret, old chum. Come to the cabaret. And as for me, and as for me, I made my mind up back in Chelsea. When I go, I'm going like Elsie. Stop by admitting from cradle to tomb, it isn't that long a stay. Life is a cabaret, old chum. It's only a cabaret, old chum. And I love a cabaret. Enregistrement devenu mythique de cette chanson, titre de la comédie musicale Cabaret par Liza Minnelli. Cabaret, la bande originale du film, donc différente de la production originale de Broadway, avec Liza Minnelli et Joel Grey, des chansons de John Kander et Fred Ebb. Le film sort en 1972. Vous pouvez retrouver toutes les étoiles de la comédie musicale en podcast. C'est sur le site de France Musique et sur l'application Radio France. France Musique, 42e rue, Laurent Vallière. Et dans l'actualité des comédies musicales, des coups de cœur à Paris. D'abord, La Voix d'Or, à l'affiche au théâtre La Bruyère. On recevra la troupe dans le prochain cabaret 42e rue en direct du Carreau du Temple. Ça sera le 13 octobre. Et puis, on les a déjà reçus, on les adore. C'est Virginie et Paul. La nouvelle farce signée Hervé de Volder et Jacques Mougenot. Alors, plus qu'une farce d'ailleurs, un tour de force autour de trois comédiens seulement et un trio de jazz. Virginie et Paul, ça raconte l'histoire de plusieurs Virginie et de plusieurs Paul qui sont comédiens en pleine répétition, qui incarnent sur scène Virginie et Paul. Vous ajoutez que l'un et l'autre peuvent être infidèles et rencontrer d'autres Virginie et Paul. Et vous tombez dans un tourbillon hilarant de quiproquos. On avait reçu la troupe dans 42e rue fait son show en décembre dernier. Alors pour le plaisir, les revoici. Fabien Richard incarne tous les Paul. Carole de Fitte, toutes les Virginie. La musique est signée Hervé de Volder. Ma belle te le confirme et te dit que la plus belle s'appelle Virginie. Dire laquelle, ma belle, je crois que ton mari en vérité manque d'objectivité. ma tendre amie d'enfance, ma complice éternelle et fidèle. Et toi, toi mon rêve d'enfant. Oh vraiment c'est trop bête, quand Virginie vient dîner, chaque fois je guette l'instant de lui parler. Mais de toute évidence, la chance me fuit. Je ne lui ai jamais dit quelle est la femme de ma vie. Virginie et Paul, on vous conseille d'aller voir ce spectacle au Théâtre du Ranelagh à Paris. Et puis notez que le prochain cabaret 42e rue aura lieu dimanche 13 octobre avec notamment la troupe de la Voix d'Or. Abonnez-vous au podcast de 42e rue et des étoiles de la comédie musicale. C'est sur l'appli Radio France, mais aussi sur tous les sites de musique en ligne. Vous pouvez également retrouver toutes les précédentes 42e rue sur l'appli Radio France. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram. On est là, merci à l'équipe de 42e rue aujourd'hui, merci à Romain Couturier, à la discothèque de Radio France, au site internet à Martine Moni, au mixage à Tar Bouklifa et à la réalisation à Doria Zénine. Laurent Vallière, je vous souhaite un très bon dimanche avec France Musique. Rideau. À réécouter sur francemusique.fr. France Musique. The next stop is 42nd Street. Quand vous êtes dans la musique et la chanson, le sentiment est immédiat.